Vous m'avez manqué. Merci à chacune et chacun d'entre vous de me donner votre énergie. Vous êtes toujours là. Votre affection me porte. C'est un privilège d'être votre candidate, de porter vos couleurs, même si, désormais, c'est au peuple de France que je dois me donner. Est-ce que vous êtes contente de votre discours ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, ce qui était important, c'était que les Français sentent la sincérité en moi. Et cette sincérité, je crois que je leur ai donnée. Sincèrement, franchement, honnêtement, il suffit qu'un responsable politique use d'un de ces termes pour que notre sens critique se mette en alerte. Pourquoi préciser que l'on est sincère quand on l'est ? À moins qu'on ne le soit pas. Et si la sincérité était le masque préféré des chefs politiques ? Mais alors, n'y a-t-il que mensonges, duperies et ruses dans le monde politique ? Le prince de Machiavel aujourd'hui, faut-il ruser pour gouverner ? Effectivement, j'ai fait un meeting raté au Zénith. Et ce meeting m'a fait trébucher. J'essaye de faire un meeting sans doute un peu trop grandiloquent, un peu masculin. Et 5 jours après, il y a le Canet. Et le Canet, je dis, bon ben, je vais me relever et je vais leur montrer ma solidité, ma force et ma sincérité. Bonjour Agnès Cugnot. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeure de philosophie en classe préparatoire économique à Bayonne. Vous avez écrit 2 livres sur Machiavel. Focus sur le prince, c'est paru aux éditions Ellipse 2012. Apprendre à philosopher avec Machiavel, aussi aux excellentes éditions Ellipse. On ne cesse de le dire ici au chemin, mais c'est vrai. Ce livre est paru en 2009. Alors on a entendu la voix de Valérie Pécresse. C'était durant sa campagne pour la présidentielle cette année. On sait ce que ça a donné. On se connaît aussi un petit peu les critiques qu'elle a essuyées sur ses meetings, sur ses prestations. Et pourtant, il y a cet argument de la sincérité. Alors, est-ce que cet argument de la sincérité, c'est une tactique comme une autre, ou justement, est-ce que c'est une manière de lutter contre l'idée de tactique au pouvoir ? Alors, c'est très drôle, ce discours, parce que effectivement, on entend qu'il est complètement construit et qu'il n'y a absolument rien de sincère là-dedans. Ça paraît évident. Ceci dit, le fait qu'elle se soit sentie obligée d'en passer par ces termes de sincérité, de se donner au peuple, etc., c'est vrai que ça dit quelque chose sur ce rapport à l'insincérité ou à la sincérité du gouvernant, le rapport à la vérité du discours politique. Et effectivement, il n'y a quasiment aucun discours de gouvernant qui puisse s'en passer. De la sincérité ou de l'argument de la sincérité ? De l'argument de la sincérité, effectivement. Donc ça fait partie de l'arsenal classique, on va dire, obligatoire des gouvernants ou des candidats au pouvoir. Donc de se prévaloir de cette sincérité qui est... en fait, totalement construite, d'ailleurs, tout le monde le sait. Alors, est-ce que c'est un paradoxe de la sincérité d'être en grande partie insincère, ou est-ce que, justement, en fait, le fait qu'elle soit construite ne la rend pas pour autant artificielle ? Alors là, ça nous amènerait à rentrer directement dans quelque chose de vraiment essentiel chez Machiavel, qui est que le... Il n'y a pas vraiment de paradoxe dans la mesure où il n'y a pas dans le milieu politique vraiment de vrai et de faux. C'est-à-dire que la posture du prince est toujours une posture d'interprétation de la situation. Le milieu politique en lui-même est extrêmement mouvant, changeant, trouble. Les actes du pouvoir se réfléchissent, comme dit Merleau-Ponty, dans les consciences, et finalement l'apparence et la vérité du politique. Donc ça nous fait vraiment rentrer au cœur de la théorie machiavélienne. Le fait de dire qu'on est sincère fait partie donc de cette nécessité pour obtenir la confiance du peuple. Ce qui est absolument nécessaire pour pouvoir gouverner. Et celui qui ne le ferait pas, finalement, raterait, ne serait pas dans son rôle de gouvernant. Donc, oui, bien sûr, il y a un paradoxe, puisqu'on dit qu'on est sincère, alors qu'en fait, c'est un discours construit. Mais en même temps, c'est une vérité du politique. Donc peu importe l'intention, en fait, c'est ça auquel la chose à laquelle il faut revenir, on a cessé de le dire cette semaine, Agnès Cugnot, à propos de Machiavel, c'est que peu importe en fait l'intention du gouvernant, l'idée est que tout est dans les apparences, mais ces apparences-là ne veulent pas dire qu'elles sont forcément trompeuses. Exactement, parce que je reviendrai peut-être sur le début de votre phrase, peu importe les intentions, c'est pas quand même tout à fait exact chez Machiavel. Ah donc il y a quand même quelque chose de caché derrière l'apparence alors quand même. Il y a quand même une intention à l'œuvre. Alors, il y a bien sûr des intentions à l'œuvre qui peuvent être de deux sortes. C'est-à-dire soit on a affaire à un gouvernant qui est en fait un tyran, qui veut le pouvoir pour son propre intérêt. Et dans ce cas-là, l'intention est véritablement trompeuse. Donc là, on peut vraiment parler d'insincérité, on peut parler de dissimulation, de masque, mais alors vraiment dans le mauvais sens du terme. Cependant, Machiavel nous dit qu'un prince de cette nature-là sera obligé toute sa vie de vivre dans la peur, menacé par les conspirateurs, vivre toute sa vie un couteau à la main, il dit, et finalement, son régime risque très rapidement de s'effondrer. Donc dans le deuxième cas, on a au contraire affaire à un prince virtuose, entre guillemets, hein, celui qui a la virtue. Et dans ce cas-là, son intention, c'est le bien commun. Donc à de nombreuses reprises dans son œuvre, Machiavel nous dit que finalement, il ne peut pas y avoir un régime qui dure s'il ne satisfait pas les humeurs aussi bien des grands que du peuple d'ailleurs, mais en favorisant le peuple. Et donc, pour maintenir son état, le prince n'a pas tellement le choix que finalement d'être un bon prince. Donc l'intention qu'il y a derrière ce mensonge ou cette insincérité, elle peut être malgré tout une intention politiquement éthique, enfin je sais pas comment... Si morale en fait, quand même, il y a quand même une forme de morale. Alors, j'irai pas jusqu'à dire morale, je m'arrêterai à éthique. Vous voulez dire que l'éthique, c'est moins absolu, moins prescripteur que la morale, c'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y va pas d'un bien et d'un mal absolu. Oui. Il y va d'un équilibre, il y va justement du mantenere lo stato, qui est donc vraiment le but du Donc prince, le maintien de l'État. Maintien de l'État, hein, ou maintien en l'État, hein, c'est possible aussi de penser ça comme ça. Mais en tout cas, oui, il y a une éthique, il y a une norme, mais alors elle n'a rien à voir avec le bien et le mal moral, elle a à voir avec le salut de l'État. Le salut de l'État et la liberté du peuple, on pourrait dire, c'est les deux... vraiment les deux valeurs absolues du monde machiavélien, qui n'en compte aucune sinon à part ça. Hein. Il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a pas d'essence. Mais il y a un but, hein, ce but est le maintien de l'État, donc la liberté du peuple et le salut de l'État. Et au nom de ce but-là, oui, tous les moyens sont permis. Combien il est louable pour un prince de tenir sa parole et de vivre avec droiture et non avec ruse, chacun l'entend. Toutefois, on voit par expérience de notre temps qu'on fait de grandes choses les princes qui ont tenu peu compte de leurs paroles et qui ont su, par la ruse, tromper l'esprit des hommes. À la fin, ils ont dépassé ceux qui se sont fondés sur la loyauté. Vous devez donc savoir comment il y a deux façons de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est propre à l'homme, la deuxième aux bêtes. Mais parce que très souvent la première ne suffit pas, il convient de recourir à la seconde. Aussi est-il nécessaire à un prince de savoir bien user de la bête et de l'homme. Un prince étant donc obligé de savoir bien user de la bête, il doit parmi elles choisir le renard et le lion. Car le lion ne se défend pas des pièges, le renard ne se défend pas des loups. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Ceux qui s'en tiennent simplement au lion n'y entendent rien. Par conséquent, un souverain sage ne peut ni ne doit observer sa parole lorsqu'un tel comportement risque de se retourner contre lui et qu'ont disparu les raisons qui la firent engager. Si les hommes étaient tous bons, ce précepte ne serait pas bon. Mais comme ils sont méchants et n'observeraient pas leurs paroles envers vous, vous non plus n'avez pas à l'observer envers eux. Jamais à un prince n'ont manqué des motifs légitimes de farder son manque de paroles. On pourrait en donner une infinité d'exemples modernes et montrer combien de paix, combien de promesses ont été rendues caduques et vaines par le manque de parole des princes. Celui qui a le mieux su user du renard a mieux réussi. C'est un texte canonique qu'on vient d'entendre. C'est un extrait du Prince de Nicolas Machiavel. C'est le chapitre 18. De quelle façon les princes doivent garder leur foi? C'est dans la traduction de Christian Beck. C'est un texte canonique, Agnès Cugnot, car on y entend cette idée, donc peut-être effectivement non pas cette morale du prince, mais cette éthique du prince qui doit savoir se faire bête et savoir agir à la fois comme un renard et comme un lion. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi, Agnès Cugnot, qu'on pourrait passer mais des heures à commenter ce texte? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un texte fondamental. C'est un texte dans lequel on peut trouver vraiment la racine d'énormément d'aspects de cette pensée de Machiavel. Et c'est un texte qui a fait aussi beaucoup de mal à Machiavel. Enfin, disons, c'est vraiment le texte sur lequel l'anti-machiavélisme a pu se régaler en montrant que Machiavel, comme disait Voltaire, donnait des leçons d'assassinat et d'empoisonnement, que c'était un livre abominable, voilà, qui a infecté les écoles. Enfin, vraiment, le chapitre 18 du Prince, c'est un peu voilà, le poison, quoi, le verre dans la pomme. La pierre d'achoppement, voilà. Il y a vraiment, on peut faire de ce chapitre une lecture complètement anti-machiavéliste, et y voir l'éloge de la ruse, de la tromperie, voilà. Mais c'est un éloge de la ruse. Alors c'est vraiment un éloge de la ruse. Ça, je pense que c'est important de le dire. Machiavel, on passerait à côté de Machiavel si on voulait à tout prix faire de l'angélisme et dire non, en fait pas du tout, on peut faire une interprétation. C'est pour ça que j'ai dit il y a une éthique, mais attention, enfin il faut vraiment vraiment bien comprendre ce que ça veut dire. Machiavel est un penseur de la ruse au point que son nom lui-même est devenu le synonyme de la tromperie, hein, machiavélique, un plan machiavélique. C'est vraiment voilà, donc ça c'est la lecture qui a été faite par l'anti-machiavélisme et en fait qui a déjà suscité des polémiques dès le XVIe siècle, puisque avant même sa parution en 1532, le prince circulait un peu sous le manteau et avait déjà commencé à déclencher un certain nombre de débats. Voilà, justement. Donc dans les milieux un peu lettrés, voilà, les milieux du pouvoir. Dans les milieux du pouvoir aussi, un des protégés de Léon X, Agostino Nifo, en avait fait un plagiat très remanié déjà dès 1521. Donc voilà, il y a cette lecture qui s'accroche vraiment sur vraiment effectivement un éloge de la ruse. Alors il faudra bien voir, peut-être qu'on va pouvoir en reparler après, un éloge de la tromperie, de la dissimulation. Il faut savoir farder son action. Il dit vraiment que le prince doit être un grand simulateur et dissimulateur. Il dit que celui qui trompe, que les hommes sont si fascinés en fait par la nécessité présente que celui qui veut tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Donc ça, il faut pas dissimuler cet aspect véritablement machiavélique. Oui, il a suscité lui-même ce malentendu. On en a parlé lundi, hein, de cette confusion entre Machiavel et le machiavélisme, mais qui d'un côté quand même était suscité par le texte lui-même, mais qu'il fallait aussi toujours un petit peu prévenir et contenir. Mais pourquoi en fait ce texte a-t-il posé, précisément celui qu'on a entendu, Agnès Cugnot, pourquoi a-t-il posé un problème? Qu'est-ce que ça fait de dire en fait à un homme politique de conseiller de faire la bête? Oui, alors en fait cette idée que le prince doit être à la fois homme et bête, et que quand il est bête, il doit être lion et renard, c'est pas quelque chose que Machiavel invente en fait. Il le pique à Cicéron. Donc, ça tombe bien, on en parlait la semaine dernière. En plus. Voilà. Et ben déjà chez Cicéron, je crois que c'est dans le De Officiis, il y a cette image du prince à la fois homme et bête. Et puis donc Machiavel fait référence à ce centaure Chiron, donc qui était le précepteur mythique, hein, donc voilà, qui est à la fois qui a de l'animal tout le côté passionnel, la vaillance, la rapidité, la force, et de l'homme la capacité de se diriger selon des principes, selon des devoirs, hein, donc des principes moraux ou des lois. Donc c'est pas tout à fait nouveau, hein, cette idée que le prince doit savoir faire la bête. Ce qui pose problème, c'est sans doute l'espèce de sincérité avec laquelle Machiavel dit les choses, en disant véritablement il y a des vertus qui vont vous faire perdre le pouvoir, il y a des vices qui font régner. Et par conséquent, un prince sage et prudent doit savoir entrer au mal quand il y a nécessité. Et ça, je crois que l'idée, il le dit ailleurs d'ailleurs, je crois, dans Le Prince, s'il est permis de dire du bien, du mal. Mmh. S'il est permis de parler en bien, du mal. Où il parle aussi d'un bon usage de la cruauté et d'un mauvais usage de la pitié. Donc il remet vraiment en perspective, il transforme complètement, et il déplace complètement la séparation qui est faite normalement par la morale classique entre le bien et le mal, le vice et la vertu. Et là, je pense qu'il le dit avec une telle force, en plus en citant des exemples modernes, donc oui. En disant c'est encore comme ça maintenant. Et c'est vrai que ça nous parle. C'est vrai que quand on lit Machiavel, ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'on soit doublement étonné à la fois par cette espèce, comme vous disiez, effectivement, de naturel à soutenir cette thèse qui va contre notre morale. On devrait régner pour le bien et non pas en faisant le mal. Mais encore une fois, il faut vraiment préciser les choses. Et c'est ce qu'on a fait en disant que Machiavel ne veut pas faire le mal pour le mal. C'est juste un moyen parmi d'autres. Mais on est aussi étonné du fait que ça puisse nous étonner, puisqu'on est quand même habitué à dire que la morale dans le monde politique, justement le monde politique est distinct de la morale ou même du droit. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez beaucoup parlé cette semaine, évidemment, de la vérité factuelle. Ce qui va se passer avec Machiavel, c'est qu'il va... Donc il y a un terme de Machiavel qu'on retrouve dans un de ses textes, où effectivement il parle de vérité effective ou effectuelle, c'est-à-dire la vérité qui est dans les effets. Oui, voilà, c'est ça. Donc... Il va, au chapitre 15 du Prince, donc parler de cette verità effettuale, et donc en italien, l'un de vos invités rappelait qu'effectivement, il n'y a qu'une seule occurrence de cette expression, qui donne donc du fil à retordre un peu au traducteur, parce que est-ce qu'il faut parler de vérité effective ou garder le néologisme, parce que c'est un néologisme, en fait, que fait Machiavel sur la vérité effectuelle. En tout cas, l'idée, c'est celle-là. La vérité du politique, c'est la vérité des effets et non pas la vérité des faits. Ça n'est pas la vérité au sens classique, scolastique, de l'adéquation de l'esprit à la chose ou de l'adéquation du discours à la réalité. C'est au contraire donc une vérité qui ne se manifeste que dans ses effets. Donc indépendamment de tout critère moral de bien ou de mal. Hein. Donc ça vous l'aviez déjà dit. Ce qui est étonnant chez Machiavel, c'est ça, c'est cette séparation qu'il fait vraiment de manière très explicite entre la politique et la morale. Ce qu'on entend d'ailleurs avec cette identification, en fait, avec l'animal, par exemple, parce que qu'est-ce qui choque, en fait, je vous ai posé la question qui était de, finalement, qu'est-ce qui choque dans cet appel à la ruse, alors qu'en fait, c'est quand même quelque chose auquel on pourrait être habitué, même à l'époque de Machiavel, vu tous les exemples historiques qu'il convoque. Alors, est-ce que c'est justement cette identification entre animalité et mal et ruse, en fait? Est-ce que c'est le fait de demander à l'homme de se dépouiller de son humanité et de sa dignité qui choque le plus? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, je pense que c'est tout à fait exact. Alors, le miroir, enfin, le prince est en plus constitué comme un miroir des princes, c'est-à-dire ces opuscules qui étaient souvent donc rédigés par des ecclésiastiques, qui étaient des manuels donc de gouvernement à l'usage des princes et qui étaient censés faire du prince un parangon de vertu, hein, et donc apprendre au prince à bien agir. Donc, effectivement, et agir selon la morale, selon la loi. Donc ici, c'est très choquant, effectivement, d'entendre tout d'un coup dire mais non, en fait, la vertu n'est pas du tout un bon guide pour la politique. Il faut savoir donc entrer dans l'animalité, entrer dans la passion. Alors quand même, il faut remarquer que, donc en suivant Cicéron, il dit quand il est animal, le prince doit être à la fois lion et renard. Mmh. Et ceux qui s'en tiennent au lion, dit-il, n'ont rien compris à l'affaire. Donc il oppose quand même la force à la ruse. Il dit que l'une sans l'autre ne saurait durer. En fait, en réalité, il dit que ce qui ne saurait durer, c'est l'attitude qui est seulement humaine ou l'attitude qui est seulement animale. Donc, encore une fois, il ne demande pas au prince de devenir une bête. Il dit simplement, il faut que vous ayez la capacité de sortir de votre nature, d'une certaine manière, quand il y a nécessité, et de vous faire bête. Mais attention, pas seulement lion. Il ne s'agit pas d'être un tyran et d'utiliser la force uniquement, puisqu'on l'a vu, la violence ne mène qu'à la ruine, finalement. Hein. Donc il faut savoir allier la ruse à la force. Et voilà, donc il y a cette idée qu'il ne s'agit pas d'être seulement violent. Et donc il oppose l'animal à l'homme, mais simplement dans cette idée qu'il reprendra d'ailleurs très souvent, qu'il faut savoir sortir de sa nature. Ça, c'est vraiment intéressant. Ah, ça veut dire quoi? Parce que on a l'impression, en fait, que certains princes qu'il nous décrit, c'est-à-dire tous les exemples de grands dirigeants politiques, enfin, il n'aurait pas dit dirigeants, mais des grands princes qu'il convoque, sont quand même effectivement presque des gens qui ont un don. La virtue de pouvoir saisir le bon moment. Et puis finalement, là, on a quand même cette idée de s'arracher à sa nature humaine, mais aussi de s'arracher à sa nature, on peut penser à son caractère. Mais exactement. Chez Machiavel, il y a deux ennemis de l'action absolue, deux forces qui paralysent l'action, c'est la nature et l'habitude. La plupart des gens échouent parce que ils sont comme enfermés dans leur nature. Ils pensent que puisque tel ou tel comportement a toujours fonctionné jusqu'ici, eh bien, il n'y a pas de raison que ça change et donc on va continuer à agir de la même manière. C'est d'ailleurs une des choses qu'il va reprocher aux Florentins de son époque. Donc, il faut avoir, dit-il, il faut que le prince ait l'esprit tourné de telle façon qu'il puisse être quelque chose, puis ne pas l'être, hein, et qu'il sache tourner selon que les vents de la fortune lui ordonnent. Et donc, il doit être attentif à cette qualité des temps et ne pas être pris ni dans l'habitude ni dans la nature, qui l'obligerait à toujours continuer le même comportement, qui ne serait plus en adéquation avec les variations de la fortune et forcément échouerait. Fucking dead when I catch you, you piece of shit! See, come here! What's the matter with this kid? Get over here! Fucking crazy, this kid. Il me doit un max de blé! Je vais te donner un conseil. Ça te coûte tes $20 et t'en entendras plus jamais parler. Vous avez raison, vous avez toujours raison. Ouais, j'ai toujours raison, mais si j'avais toujours eu raison, je serais pas resté 10 ans en tôle. Qu'est-ce que vous y faisiez? Moi, je lisais. Mais vous lisiez quoi? Tu connais Machiavel? Qui? Machiavel. C'est un célèbre écrivain qui vivait il y a 500 ans. La disponibilité, c'est ce qu'il prônait. Si je voulais, je pourrais habiter n'importe où. Tu sais pourquoi je reste dans ce quartier? La disponibilité. Je veux rester au centre des choses. Parce que quand on est sur place, on peut régler tous les problèmes. Les emmerdes sont des cancers, il faut agir vite. Si tu laisses traîner, ça prend de l'ampleur et ça te tue. Il faut agir à la base. Capiche? Allez, viens. C'est très important, la disponibilité. Les gens qui me voient depuis toujours et qui sont de mon côté, ils se sentent en sécurité, parce qu'ils savent que je suis là. Alors ils m'aiment davantage. Par contre, les gens qui sont de l'autre côté, ils sont partagés, mais ils savent que je suis pas loin. Alors ils ont beaucoup plus peur de moi. Il vaut mieux être craint ou être aimé? Moi, si j'avais le choix, je préférerais qu'on me craigne. La peur, c'est plus solide que l'amour. Une amitié peut toujours se vendre ou s'acheter, mais il faut pas te faire détester. C'est pour ça que je les traite bien, mais pas trop bien. Si je leur donnais trop, ils auraient plus besoin de moi. Je leur donne ce qu'il faut pour qu'ils aient besoin de moi et qu'ils me détestent pas. N'oublie jamais cette leçon. Étonnant, mais oui, dans un film de Robert De Niro qui date de 1993 et qui s'appelle « Il était une fois le Bronx », on entend cette leçon machiavélienne et vous me disiez, Agnès Cuneau, c'est texto le Machiavel. Ah bah oui, c'est littéralement le chapitre sur « Vaut-il mieux être aimé ou être craint ?» Et Machiavel dit exactement ça, c'est tant qu'à faire. Alors dans l'idéal, il faudrait les deux, Si on pouvait être à la fois aimé et craint, ça serait parfait. Mais comme l'amour, l'affection, c'est toujours un petit peu volatile, comme il dit, les amitiés peuvent s'acheter. Puis dès que les gens ne vous craignent plus, ils en profitent pour essayer de tirer parti de la situation. Donc, il vaut mieux, à tout prendre, se faire craindre, mais attention, surtout, ne pas se faire détester. Alors ça, c'est une chose qui m'a fascinée quand je l'ai lu dans le texte de Machiavel. Comment on peut être craint sans être détesté? Et de la même manière, on pourrait inverser. Comment être aimé sans être adulé? Comment être respecté sans être non plus justement familiarisé, en fait, devenu quelqu'un peut-être de une sorte de figure de la famille et qui est un maintien de la distance? Oui, c'est important cette distance. Alors, comment être craint sans se faire détester? Alors là-dessus, d'ailleurs, Machiavel reprend des choses qui sont déjà dans la politique d'Aristote. Hein. Même il reprend des exemples qui sont quasiment les mêmes. Comment donc être craint sans se faire détester? Est-ce que c'est une question de ruse, justement? Alors non, c'est plutôt ça relève plutôt de ce qui est expliqué aussi dans le chapitre 15, c'est-à-dire il y a des vices qui font régner. Donc par exemple être très impressionnant, avoir une réputation d'homme cruel qui n'hésite pas donc à éliminer ses ennemis, mais pas forcément le faire. L'important c'est d'avoir cette réputation là. Et l'essentiel, c'est de ne pas abuser de son pouvoir et notamment ne pas s'emparer du bien de ses sujets et de ses femmes, notamment. Et ça, c'est des exemples qu'il reprend à Aristote. Donc, tant que le prince ne touche pas au patrimoine, d'une certaine manière, de ses sujets, qu'il les contente en leur donnant quand même... Ça c'est plus sérieux quand même, mais c'est pas seulement du pain et des jeux, hein, qu'il donne un débouché aux ambitions légitimes du peuple. Le peuple est satisfait tant qu'il n'abuse pas donc de son pouvoir, qu'il ne touche pas à leur patrimoine. Et si en plus il a la réputation d'être quelqu'un qui sait utiliser la force, qui prend des décisions irrévocables et qui fait comme ça montre d'un caractère assez fort, eh bien du coup il peut tout à fait être craint sans être détesté. Et ça n'est pas de l'ordre de la ruse, on pourrait dire que c'est plutôt de l'ordre de la tactique, cette articulation entre d'un côté prendre un parti très affiché. Il y a ce chapitre 21 dans le Prince où Machiavel affirme, conseille au prince qu'il faut absolument prendre parti quand il y a une guerre. Il ne faut jamais en fait se dérober, jamais ne rester dans la neutralité. Et en même temps, il dit, et là vous venez de le dire Agnès Cugnot, il soutient quand même une forme de demi-mesure, à savoir quand même être craint, mais pas être haï. Tout ça, c'est une question de nuance. En plus, il est inspiré par Aristote, qui avait une philosophie du juste milieu. On a du mal à voir comment Machiavel, en fait, arrive à articuler d'un côté prise de parti franc et radical, et de l'autre demi-mesure. Oui, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a cette contradiction. Alors c'est vrai, hein, ce chapitre 21, il faut être vrai ami et vrai ennemi. La voie du milieu serait la meilleure, dit-il, si on pouvait la suivre, mais en fait c'est pas possible, parce que quand on est au milieu, ben en fait on a tous les désavantages de ne s'être pas engagé pour quelqu'un, et aucun avantage de celui qui gagne, puisque vous l'avez pas soutenu vraiment. Donc vraiment la voie du milieu, il le reproche d'ailleurs à la politique florentine de son époque aussi, c'est vraiment pas son truc. Ceci dit, c'est pas contradictoire avec Aristote, parce que le juste milieu chez Aristote, bien sûr, c'est pas couper la poire en deux, c'est pas un consensus mou. Le juste milieu d'Aristote, c'est une excellence, c'est-à-dire savoir justement quand, comment et pourquoi agir. Il y a des cas où la juste mesure, ça sera d'y aller très franchement, et d'autres cas où la juste mesure impliquera plutôt d'être dans la retenue. Donc je pense qu'il fait plutôt, il a bien compris Aristote, il a bien compris cette idée de la juste mesure qui est en fait pas un juste milieu justement. Vous voulez dire Machiavel a bien compris ? Machiavel a bien compris Aristote. On suppose qu'il l'a lu, hein, parce que tout le monde lisait Aristote à cette époque-là. Puis il y a des références qui sont tellement littéralement les mêmes que bon, ce serait étonnant. Alors peut-être de deuxième main, en seconde main, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'idée quand même de saisir la bonne occasion, à savoir qu'il renvoie quand même à ce concept de Kairos. Est-ce qu'on peut, à partir de là, en déduire en fait que le prince de Machiavel a une forme justement parce qu'il articule ces deux dimensions en fait de la bonne action, de l'action juste, est-ce que c'est un prince qu'on pourrait dire un petit peu incohérent, versatile? Alors là encore, il faut faire des distinctions un petit peu subtiles entre justement la versatilité et la capacité qu'on évoquait tout à l'heure à varier selon les vents de la fortune. Il donne un exemple d'empereur, de l'empereur Maximilien Ier, qui est un homme versatile, qui, dit-il, défait le soir ce qu'il a fait le matin, et qui, pour cela, a une réputation catastrophique, n'est respecté par personne, et justement, est méprisé. Alors, à part la haine, le mépris est l'autre écueil dans lequel il faut surtout pas tomber. L'autre passion triste, négative, que le prince doit éviter. Donc il faut surtout pas être versatile. En revanche, comme on disait tout à l'heure, il faut avoir cette souplesse, cette adaptation incroyable. Il donne des exemples de princes comme ça qui ont su s'adapter, qui avaient une capacité d'adaptation incroyable, comme Jules II par exemple, qui était complètement, on pourrait dire incohérent, mais qui en fait poursuivait un but qui était très très clair pour lui. César Borgia, qui a toujours su aussi s'adapter aux circonstances. On pourrait dire ce sont des princes qui ont su faire de nécessité virtue. En fait, hein, ils se sont trouvés dans une situation qui était compliquée ou paradoxale, et ils ont su retourner, ils ont su, comme il dit, ourdir les fils de la fortune à défaut de pouvoir les briser. Et du coup, ils ont volé vers le succès. Je vous propose d'écouter, alors non pas un extrait du Prince, mais de faire une petite infidélité au Prince de Machiavel, pour écouter quand même du Machiavel. C'est un extrait de son discours sur la première décade de Tite-Live, c'est le discours 1, chapitre 25. Celui qui désire ou qui veut réformer le gouvernement d'une cité doit nécessairement, pour qu'il soit accepté et pour pouvoir le maintenir à la satisfaction de chacun, conserver au moins l'ombre des usages anciens, afin que les gens n'aient pas l'impression d'avoir changé de constitution, même si, de fait, les nouvelles institutions sont tout à fait différentes des anciennes. En effet, l'ensemble des hommes se nourrit autant de ce qui paraît que de ce qui est. Et souvent même, ils sont poussés davantage par les choses telles qu'elles apparaissent que par les choses telles qu'elles sont. Voilà pourquoi, comme chaque année avait lieu à Rome un sacrifice qui ne pouvait être célébré que par la personne du roi, les Romains, voulant que le peuple n'eût à regretter, par l'absence de roi, aucun des anciens usages, créèrent un chef pour ce sacrifice qu'ils appelèrent « roi des sacrifices » et qu'ils soumirent à l'autorité du grand pontife. Si bien que, de cette façon, le peuple fut satisfait de ce sacrifice et n'eut jamais de quoi souhaiter, pour en avoir été privé, le retour des rois. Et cela doit être observé par tous ceux qui veulent effacer une façon de vivre ancienne dans une cité et l'amener à une façon de vivre nouvelle et libre. En effet, comme les nouveautés altèrent les esprits des hommes, vous devez faire en sorte que ces altérations gardent en elles, autant que possible, ce qui est ancien. Et si les magistratures diffèrent des anciennes en nombre, autorité et durée, qu'elles en gardent au moins le nom. Et c'est cela, comme je l'ai dit, que doit observer celui qui veut ordonner une vie politique, que ce soit sous la forme d'une république ou d'une royauté. France Culture. Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. On retrouve donc dans ce discours sur la première décade de Tite-Live, hein, toujours un texte de Machiavel interprété par Bernard Gabet, on retrouve donc cette idée, Agnès Cugnot, quand même d'apparence. Hein, j'ai souligné la phrase, souvent même l'ensemble des hommes est poussé davantage par les choses telles qu'elles apparaissent que par les choses telles qu'elles sont. Thèse, on va dire, classique chez Machiavel, mais pour renverser un petit peu l'a priori qu'on pourrait avoir sur le Machiavel de la dissimulation, de la ruse, de la tromperie, est-ce qu'on peut envisager que les apparences sont plutôt un lieu, non pas en fait comme un écran sur la réalité, sur la vérité, sur l'être, mais plutôt comme un lieu de dévoilement en fait de la réalité? Oui, absolument. Je pense qu'on peut vraiment dire ça. Et c'est vraiment intéressant ce texte parce que on voit bien comment on n'est pas là du tout dans le mensonge et la tromperie et la fausseté ou le piège. Là, on est vraiment dans une autre facette de la ruse chez Machiavel, qui est plutôt celle de l'intelligence, de la prudence politique. Vous savez qu'il y avait vraiment ce topos à l'époque de Machiavel et avant, ce topos qui veut qu'on compare souvent le corps politique à un corps vivant. Mmh. Et le prince à un médecin. Et on a vraiment l'impression ici que Machiavel donne des conseils de prudence. La politique est un art, comme la médecine. Et donc, si vous donnez un médicament trop violent à un malade, même si c'est le médicament qui convient, vous allez le tuer. Donc, si vous voulez gouverner les hommes, il faut les gouverner par là où ils sont gouvernables, c'est-à-dire les apparences. Et donc, vous allez réussir à réformer votre état si vous le faites prudemment, en n'altérant pas les esprits des hommes par trop de nouveautés et en les laissant s'habituer petit à petit et à trouver dans la nouveauté quelque chose qui les satisfasse et qui leur permette de se sentir encore en harmonie et qui ne brise pas, disons, l'ordre global de la cité. Car les hommes sont énormément attachés à leur tradition. Oui. Ils n'aiment pas changer. Donc, si vous révolutionnez une cité, c'est la meilleure façon pour la rendre totalement ingouvernable. Ce qui est donc quand même fou, parce que Machiavel arrive à nous convaincre, mais je dis pas qu'il nous trompe en le faisant, mais il parvient à nous convaincre du fait que la ruse, finalement, est une alliée de la vérité. C'est ça, et que la dissimulation est bonne pour la vérité. Absolument. Et comme on le disait un petit peu en commençant, c'est parce que, en fait, la vérité, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Je vous laisse répondre. En politique, donc, quand il invente cette idée de vérité effectuelle, je pense qu'il est à la recherche d'une nouvelle modalité de vérité, pour décrire ce qui se passe en politique. Et je citais en commençant cette citation de Merleau-Ponty dans la note sur Machiavel, où il dit que finalement, les reflets des actes politiques dans les consciences individuelles créent une apparence qui est le lieu propre et en somme la vérité de l'action politique ou de l'action historique, dit-il. Mm-hmm. Donc les apparences sont le lieu de la vérité politique. Et celui qui ne saurait pas utiliser ses apparences, en fait, pêcherait par naïveté. Et donc ici, il faut plus comprendre la ruse comme le piège, la fausseté, la tromperie, mais comme l'inverse de la naïveté. Il y a un exemple que Machiavel donne à plusieurs reprises, et il lui en veut beaucoup, c'est Piero Soderini, qui était le gonfalonier à vie de la deuxième chancellerie de la République de Florence, avec lequel donc Machiavel a travaillé, il était son secrétaire. Et Piero Soderini, pour Machiavel, c'est vraiment l'exemple du prince qui s'est fait peur, en fait, qui n'a pas osé justement entrer au mal lorsqu'il y avait nécessité, qui a voulu être sincère, qui a voulu croire que la bonté allait venir à bout des révoltes qui avaient lieu notamment à Pistoia, donc à côté de Florence, et qui a finalement été plus cruel en ne punissant pas, en n'entrant pas au mal, que voilà, s'il avait exécuté tout de suite les chefs de faction qui mettaient Pistoia à feu et à sang. Et vraiment, la figure de Soderini, c'est la figure du naïf, qui est finalement plus cruel que César Borgia. Qui fait plus de mal en voulant faire le bien, c'est ça? Qui fait plus de mal en faisant faire... Ouais, exactement. Il a écrit une épigramme sur Soderini qui dit « Le soir où mourut Pierre Soderini, son âme alla à la porte de l'enfer ». « En enfer, cria Pluton, pauvre Benet, remonte donc au limbe avec les autres enfants. » Ah oui. Vraiment, il le prend pour... Donc il le traite d'enfant, c'est ça? D'enfant, de Benet. Oui. voilà, donc donc dans ce cas-là, la ruse, c'est pas l'inverse de la sincérité, c'est l'inverse de la naïveté. Et la naïveté est un péché absolument impardonnable pour un prince. Et qu'en est-il de la confiance? Parce qu'il y a quand même cette idée aussi que un état pour se maintenir doit être fondé. Alors effectivement, la crainte, le respect, mais pas non plus la haine. Mais effectivement, il y a quand même ce lien qui, repose sur la confiance. On doit croire en l'apparence que nous propose le prince pour justement ne pas se révolter, commencer à fomenter, qu'on soit dans le peuple ou parmi les ministres. Est-ce que ce jeu sur les apparences ne nous fait pas tomber tomber parfois du coup du côté, oui, voilà, du manque de confiance. Je dirais plutôt qu'il ne va pas susciter la défiance. Voilà, on va reprendre un terme à la mode qui est la défiance, qui est effectivement le contraire de cette confiance-là. Alors, c'est vrai que le prince doit être grand simulateur et dissimulateur. Et il ne faut surtout pas qu'il se fasse prendre. Bon, ça c'est sûr. Par exemple, il y a une note à un ambassadeur qui s'appelait Raffaello Girolami, qui part en ambassade, je crois, en 1522, il part en Espagne. Et Machiavel lui écrit une petite note, parce que lui-même, il a fait beaucoup de légations, et donc il est habitué à cette diplomatie. Et il lui dit, écoute... il faut que tu réussisses à avoir l'oreille du prince, il faut donc que tu gagnes sa confiance. Donc si jamais tu ne dois pas dire la vérité, tu ne dois pas absolument tout raconter, donc tu es obligé un petit peu de mentir, mais si jamais tu te fais prendre, il faut avoir immédiatement une réponse assurée, ferme et définitive. Ne jamais se faire prendre en flagrant délit de mensonge, sinon on perd toute la confiance et du coup on peut plus du tout négocier, on peut plus... Donc là... Alors là, on a l'idée qu'il y aurait un mensonge. Hein. Il faudrait absolument dissimuler le mensonge pour pas qu'il apparaisse. Et si jamais il apparaît, être tout de suite prêt à trouver une explication. Mais en fait, il y a plus profond que ça dans la pensée de Machiavel. Il y a quand même l'idée que, au fond de la relation entre le prince et ses sujets, il faut qu'il y ait de la confiance. Et cette confiance... elle n'est peut-être pas tant dans les apparences du prince que dans son action. C'est les résultats de son action qui vont donner confiance au prince. Il dit que s'il n'y a pas au fond de la confiance, hein, vraiment du peuple envers le prince, le régime est perdu. Il faut absolument que le peuple puisse avoir confiance dans le prince. Et ça se fait en fait en laissant au peuple la voix au chapitre dans les assemblées, ouvrir des assemblées et donner aux humeurs du peuple de quoi s'épancher. Il a été parfois important durant le combat de faire courir le bruit que le capitaine ennemi était mort, ou que l'on avait vaincu sur l'autre aile. Ce stratagème a souvent donné la victoire à qui l'a employé. On met aisément en désordre la cavalerie ennemie par des apparitions ou des bruits inhabituels. C'est ce que fit Crésus, qui lança des chameaux contre les cavaliers adverses. Pyrrhus lança contre l'armée romaine des éléphants, et leur seul aspect la mit en déroute. Pour vaincre l'armée d'Amilcar, les Ibères placèrent en première ligne des charrettes pleines de broussailles et tirées par des bœufs. Lors du combat, ils y mirent le feu et les bœufs, pour fuir les flammes, se jetèrent sur l'armée d'Amilcar et en ouvrirent les rangs. On peut, comme nous l'avons dit, tromper l'ennemi durant la bataille en l'attirant dans des pièges lorsque le pays est propice. Lorsqu'il est vaste et découvert, nombreux sont ceux qui ont fait des fossés, les ont légèrement couverts de branchages et de terre, en laissant quelques espaces pour pouvoir se retirer. Ensuite, lors du combat, s'étant retiré par là et étant poursuivi par l'ennemi, celui-ci s'y perd. Si durant la bataille survient quelque incident qui effraie vos soldats, il est très sage de le dissimuler et le retourner en votre faveur. C'est ce que fit Sylla. Ce dernier, voyant que, pendant que l'on combattait, une partie de ses hommes était passée du côté de l'ennemi et que cela avait grandement effrayé les autres, fit dire à toute l'armée que cela se faisait conformément à ses instructions. Ainsi, son armée n'en fut-elle pas troublée, mais si encouragée qu'elle fut victorieuse. Ce sera le dernier texte de Machiavel qu'on va entendre cette semaine, Agnès Cugnot, et il n'est pas extrait du Prince, il est extrait de L'Art de la guerre, un texte de 1521 qu'on vient d'entendre interpréter par Bernard Gabay. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on a là peut-être aussi la vision globale de la politique de Machiavel, à savoir une politique en fait qui est fondée sur le modèle, on pourrait dire belliciste, guerrier, polémique, le modèle donc de la guerre, et que inversement, on voit bien aussi que là, la guerre est politisé. Il va se servir à la fois des stratagèmes de la guerre pour penser la politique. Oui, d'autant plus que dans le chapitre 14 du prince, on voit que le métier du prince, c'est la guerre. Donc le métier, vraiment, enfin l'essence même du prince, ce qu'il doit être avant tout, c'est un capitaine, voire un soldat. Et donc Machiavel va vraiment inciter, là il donne vraiment un conseil au futur prince en lui disant, s'il y a bien quelque chose que tu dois faire, même et surtout dans la paix, dans les moments de paix, c'est chasser pour connaître le terrain de ton royaume, de ton état si tu es attaqué. Et puis aussi parce que finalement les montagnes et les fleuves se ressemblent un peu tous, ou les marais, et donc quand on sait, quand on connaît les siens, on les connaît tous quasiment. Donc faire un peu de repérage sur le terrain, et puis aussi lire des traités d'histoire pour savoir comment les grands capitaines ont fait. Voilà. Donc vraiment le métier du prince, c'est la guerre. Avant toute chose, il doit savoir utiliser tous les moyens de la guerre. Mais ça n'est pas forcément un prérequis. Ça ne veut pas dire il s'agit uniquement d'avoir été capitaine, soldat, ou enfin plus que soldat, d'avoir été vraiment, d'avoir une sorte de dame de militaire. C'est vraiment diriger un État comme on le dirigerait un capitaine dirigerait une troupe. Oui, c'est ça. Il faut qu'il ait cette âme de chef, en fait, hein, et qu'il soit capable de mener ses troupes aussi bien sur le terrain que. Alors, moi, je dirais qu'en fait, on pourrait séparer. Je séparerais plutôt ce qui relève de la ruse tactique, vraiment à la guerre, savoir utiliser le terrain pour tendre des pièges ou échapper à ses ennemis, d'une ruse plus stratégique qui serait celle de l'exercice du pouvoir, où là il faut connaître son monde, il faut savoir ruser, il faut anticiper sur les plans des autres. Savoir la bonne distance à respecter avec ses amis, ses ennemis, ses alliés ou les autres. Je distinguerais un peu les deux. Je dirais pas que le prince soit vraiment dans cette dans une attitude guerrière, disons, quand il gouverne. Il faut vraiment que oui, je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux. Donc un côté tactique, un côté stratégique, et puis il y aurait un troisième niveau qui serait vraiment ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire plus une dimension presque ontologique de la ruse en politique, qui tient à la nature même du milieu politique, qui est donc un jeu de miroir, un jeu de reflets, où les apparences comptent plus que l'être. Donc il y a une dimension aussi, le fait de s'inspirer en fait de la guerre, on pourrait dire comme d'un modèle en fait pour penser le lieu de gestion du pouvoir, même si c'est pas que la ruse tactique, mais il y a aussi une ruse, vous l'avez dit, stratégique et une ruse ontologique. Est-ce que ça fait aussi qu'on entrevoit la vie politique non plus en termes de qu'est-ce qu'un meilleur régime, qu'est-ce que le meilleur gouvernant possible, c'est plutôt en fait l'incertitude qui va être le maître mot et qui va faire que quand on fait un traité pour bien gouverner comme le fait Machiavel, on va pas donner des recettes. Au contraire, en fait, on va dire adapte-toi à cette incertitude. Oui, tout à fait. Donc il y a toujours cette idée de la qualité des temps à laquelle le prince doit toujours être extrêmement attentif. Donc Machiavel effectivement ne donne jamais de recettes en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Il dit en fonction des circonstances, il faut toujours s'adapter à ces circonstances. Il conseille de lire les exemples anciens, donc de se plonger dans les traités d'histoire des Romains. C'est ce qu'il fait lui-même d'ailleurs dans toutes ses œuvres. Se plonger dans ces traités, mais il y a un passage intéressant des discours où il dit il ne faut pas simplement imiter les grands hommes. Il faut imiter tel grand homme imitant tel autre, c'est-à-dire ce qu'il faut ressaisir dans l'action des grands hommes du passé, c'est la forme de leur action, en fait, c'est la vertu de leur action, et non pas l'action elle-même. Donc en soi, tromper quelqu'un, assassiner quelqu'un ou pas, se déplacer tout le temps, au contraire rester en place, faire des forteresses ou ne pas en faire, ça c'est la fortune qui va décider, il va falloir que le prince puisse s'adapter au moment. En revanche, il y a des vertus, il y a des idées, il y a des modes d'être qui sont imitables, mais sur la forme seulement. Ma il vulcano funziona, nonno? Ah, certo che funziona, un giorno ti faccio vedere. Regarde la mer. Quand Poutine est venu... C'est qui Poutine ? C'est le chef de la Russie. Quand Poutine est venu me voir, il était là, sur la mer, avec deux navires de guerre et le Moskva, un croiseur lance-missile. Un vrai spectacle. Non, je te crois pas. Je vois que tu as des doutes, oui. Papy, il y a 12 de mes camarades de classe qui disent qu'il faudrait que tu ailles en tôle. Combien vous êtes en classe ? 30. Bah oui, c'est sûr, le compte y est. D'après un récent sondage que j'ai commandé, il y a 30% des Italiens qui veulent me voir aller en tôle. Papy, tu n'as pas vu que tu avais marché dans le caca ? Non, je n'ai pas marché dans le caca. Si, je viens de le voir, tu as marché dedans. Est-ce que tu sais ce que disait le grand savant anglais Isaac Newton ? Il n'y a que les médiocres qui se font duper par les apparences. Toi, tu n'es pas médiocre, alors tu ne te feras pas avoir. Je n'ai pas du tout marché dans le caca. Ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie et c'est pas demain que ça arrivera. Les jardiniers ont retourné le terrain et du coup, des mottes de terre du dessous, qui ont une consistance très proche de celle du caca, peuvent se retrouver au-dessus. Tu as compris ? Est-ce que c'est plus clair, du coup ? Oui, papy. C'était pas du caca, même si on aurait dit. Bravo. Qu'as-tu appris aujourd'hui ? Que la terre ressemblait à du caca. Non. Tu as appris qu'une vérité dépendait du ton sur lequel elle était dite et de la conviction avec laquelle on l'affirmait. Donc c'était peut-être du caca. Et peut-être que Newton n'a jamais prononcé cette phrase. C'est important, ça ? Non. La seule chose qui est importante, c'est que toi, tu y as cru. C'était un extrait du film de Paolo Sorrentino, Silvio et les autres. Alors Silvio, c'est Silvio Berlusconi qui donne ici une leçon à son petit-fils. L'important, ce n'est pas la vérité, c'est la manière dont on l'a dit. Est-ce qu'on a là une leçon un petit peu machiavélienne ? Il vous reste une minute à peu près pour y répondre, Agnès Pignon. Oui, je pense que c'est vraiment une leçon machiavélienne. C'est vraiment, alors non seulement comme on l'a dit, mais comme on la montre aussi. Donc, bien sûr, il y a cette vérité des apparences. Alors là, dans le cas de Silvio Berlusconi, on pourrait douter de la norme éthique de son de son pouvoir. Pas tout à fait sûr qu'il cherche le bien commun, mais disons que voilà le but auquel le prince est véritablement soumis, c'est établir un ordre politique stable, durable, dans lequel les humeurs trouvent de quoi être satisfaites. Et ce but justifie absolument tout, mais justifie pour de bon. C'est-à-dire, là, il ne s'agit pas tellement de mentir pour faire croire que de la terre est autre chose. On peut avoir besoin de faire ça, mais c'est vraiment pas le but. Et le but, c'est toujours le bien commun. C'est pour ça qu'il y aura peut-être une petite différence entre Silvio Berlusconi et le prince. Voilà, ne nous laissons pas duper et lisons Le Prince de Machiavel. Merci beaucoup, Agnès Cugnot, d'avoir clos cette semaine sur Le Prince de Machiavel. Alors, de vous, on peut lire Focus sur le prince et Apprendre à philosopher avec Machiavel, les deux aux éditions Ellipse. Et puis, donc, Le Prince de Machiavel. Nous avons eu recours à la traduction de Christian Beck qui est disponible aux éditions Robert Laffont et en pocket. I told you in school about freedom. And when you're trying to be free, they never let you. They said it's easy, nothing to it. And now the army's out to get you. 69 American terminal stasis. The air so thick it's like a drowning in molasses. I'm tired of paying these dues and I'm finally getting hip to the American blues. I learned to say the pledge of allegiance before they beat me bloody down at the station. They haven't got a word out of me since I got a billion jails probation. 69 American terminal stasis. The air so thick it's like I'm drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these. Guts of the American Ruse. Only stars. Oh no. Comic cars. Oh no. Cheap guitars. Vous écoutez France Culture, vous écoutez MC5, The American Ruse. Voilà, je le dis à la française sur la fin. Il est 10h55 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment saisir l'air du temps ? La preuve que l'histoire n'est pas quelque chose d'extérieur que nous subirions rétrospectivement ou dans lequel nous serions pris malgré nous, c'est que nous avons avec lui un rapport subjectif. Nous sentons avec tous nos sens que l'ambiance historique est en train de changer. Nous sentons et parfois nous chantons ce que nous appelons l'air du temps. Nous sentons des différences et il y a même des chansons qui y réfléchissent, qui en parlent. Ainsi celle-ci. Autrefois pour faire sa cour. On parlait d'amour, pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Oui, voilà, Boris Vian dans La Complainte du Progrès, qui semble en prendre aussi l'antienne du bon vieux temps, où on parlait d'amour avec des grands mots, et qui va bientôt décrire le nouveau temps avec d'autres façons de dire l'amour, comme si l'art, justement, enregistrait les changements historiques. Et il faut se souvenir que Boris Vian est contemporain de Georges Perec, qui, avec son « Je me souviens », cherche lui aussi à saisir l'air du temps, et déjà dans Les Choses, était bien proche de cette Complainte du Progrès. Et voici ce que Boris Vian dit à Gudule. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Voici l'air du temps, selon Boris Vian, on ne séduit plus avec des grands verres, de la poésie courtoise, mais avec les objets de la technique moderne, de la publicité, ce que Roland Barthes aussi analysait dans ses mythologies, voyant dans la publicité pour le bébé Cadom et pour le nouveau savon, le sens même de l'histoire des années 60 que Boris Vian annonçait, que Perec a raconté, que Barthes a analysé. Mais justement, est-ce que ces intellectuels ou ces artistes ont une antenne spéciale pour palper l'air du temps, celui dont Deleuze aussi, dans son livre de 1968, Différence et répétition, avait dit qu'il annonçait l'époque de la différence, c'était dans l'air du temps. Eh bien justement, peut-être que Boris Vian ou Perec, par exemple, ne sont pas seulement en train de sentir, de saisir de manière passive et extérieure un air du temps qui les aurait précédés, ils sont en train de contribuer à le construire et à le définir. Oui, l'art lui-même, quand il est contemporain, et c'est la question même du contemporain qui n'est pas seulement passif et spectateur, mais qui construit la nouveauté dont il participe, c'est à créer aussi l'air du temps. Et ce qu'il y a de plus important, peut-être, dans la chanson de Boris Vian, ce n'est pas seulement son contenu, c'est bien sûr son rythme et son style, c'est le jazz, Saint-Germain-des-Prés, qui est présent dans la musique même de Boris Vian. Non, ce n'est pas seulement l'aspirateur par opposition à la poésie courtoise, c'est Boris Vian, contemporain de Sartre, créant comme lui une époque historique, créant comme lui une certaine modernité, une certaine liberté, une certaine démocratie. Merci Frédéric, votre chronique est à écouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi, du comment et surtout un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philo, Manon de la Salle qui a préparé cette émission, Thaïs Éloi Hammer, Jules Barbien, Antoine Ravon, Anaïs Isbert avec Nicolas Berger à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Audrey Guélil. Merci à Bernard Gabé à la lecture des textes. Vous pouvez réécouter toute cette série sur Machiavel en allant sur la page des Chemins de la Philo sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France et je vous donne rendez-vous demain pour l'émission du vendredi et comme chaque vendredi, place à un objet inattendu de la philosophie et demain, place au regret. Ce sera avec Hilaria Gaspari. À demain.